Bonsoir à tous. Donc, c'est les débats de Gérard le jeudi. Donc, un petit coucou vite fait, bien fait. Donc, bisous à Big Bill et un petit coucou à... merde, je ne sais même plus son nom, mais c'est pas grave, il s'en connaîtra. À Evelyne. Evelyne et son copain qui habitent à côté de chez moi, donc bisous à eux, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bah, salut. Donc, bonsoir Manu. Bonsoir. Comment vas-tu? Très très bien. Ça va mieux depuis dimanche Non, mais j'allais toujours très bien. Hein. Non, mais comme le chef n'était pas là... Oui, mais pour l'instant, c'est les débats, Gérard. Comme le chef n'était pas là, des souriances... Mais je te réponds pas. Donc, j'espère que tu vas bien, Rigaud. Ouais. Mon pote, ouais. J'espère on va faire du bon boulot tous les deux ce soir. Parce qu'il y a que toi qui est. Il y a pas que moi, il y a toute l'équipe et on y va, c'est le débat, c'est parti. Donc au standard, ce sera Fildar et Apolline. Bonsoir Fildar, bonsoir Apolline. Salut Gégé. Bonsoir. Donc les premiers débats porteront sur la corrida. Donc pour ça, on va accueillir Vitecouille. Ouais. Ouais, avec un portable. Ah non, pas du tout, pas du tout. Il y a un fil. Ouais, ils ont retraité l'insert. Pour ça, t'as l'impression que le son est bidon, mais c'est pas vrai. Non, mais faudrait... Je crois que j'avais demandé, parce qu'on n'a pas trop de portables. Oui, mais c'est un téléphone avec un fil, il t'a dit. Donc, Vitecouille, 26 ans, Saint-Lô. Oui. On écoute plein de radios sur 94.6. Tout à fait, Gérard, bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Bonsoir. J'avale ta gamme. Salut, ta cam, ta cam. À Caen, 96 points. C'est ça, exactement. Bonsoir à toi. Ça va bien. Chat humide. Bonsoir, Gérard. Gap, 93 FM. Ouais, c'est ça. Bonsoir. Et bonsoir à toi. Et vieille... Vieille quoi? Vieille vicieuse. Vieille vicieuse, 101.9. Paris. Exact. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Commencez pas à jouer comme ça parce que tout à l'heure je vais vous virer. Ils ont rien fait, Gérard. Ils disent bonjour, c'est la politesse. On est poli. Mmh. Alors, première question. Que savez-vous sur la corrida en général là? Ouais. Alors, on va demander à Vitecouille, tiens. Vitecouille, ouais, tout à fait. Bah écoute, moi, j'aime pas trop la corrida. Ouais. Je fais partie d'un mouvement qui milite contre la corrida. Bon, alors, attends, je vais dire une chose. Oui, dis-moi, tu il y a des pours et il y a des contres. Hein. Moi, je vais dire une chose. Je suis pas un fan de corrida, c'est tout. Bon, alors, t'aimes pas la corrida? Mais je viens pour plaider ma cause, j'ai le droit, Gérard. Bon, alors, explique. Alors, vas-y. Moi, je trouve que la corrida, c'est pas bien. Ouais. Parce qu'ils tuent des taureaux de plus de 10 ans, alors qu'en fait, ils pourraient très bien les abattre à partir de 1 an, quoi. Donc, je suis contre la corrida. Non, mais tu peux continuer de dire. Dans la boucherie, ouais, je peux continuer. Bah, écoute, je pense que les vieilles bêtes, les vieilles cardes ne sont pas faites que pour aller à la boucherie. Et je vois pas pourquoi elles finiraient toutes dans une arène. Non, mais attends, parce que là, j'arrive pas à comprendre ta réponse. Bon, alors, t'as un mec avec un costume relativement efféminé qui tient un drapeau rouge. Tu vois, ouais. Tu vois le mec, ok. T'as un taureau en face. Et t'es toujours avec moi. Ok, le but, c'est que le taureau, il embroche le mec, on est bien d'accord. Ouais. Ok, mais le problème qui se passe, c'est que la plupart du temps, c'est le mec qui embroche le taureau. Attendez, les autres derrière, calmez-vous, laissez-le parler. On va continuer. Alors, vas-y. Bah, je te demande, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il vaut mieux que le taureau embranche le torero ou vice-versa? Non, mais dis le fond de ta pensée, là. C'est bon, on est tout au fond, là. C'est bon, on est contre le mur, il n'y a plus rien. On a fait le tour du problème, le serpent se prend la queue, la boucle est bouclée. Le système à la tête toujours, tu vois. C'est vrai, tu l'as pas compris, quoi. Non, je crois que... Le mec qui est fringué comme une pédale au milieu de l'arène. Comment? Le mec qui est fringué comme une pantouse au milieu de l'arène. C'est qui dit ça? C'est Vitecouille. Non, mais attends. Vas-y. Si tu viens jusque-là, tu sais ce que c'est une corrida. Avec un mec. Ouais. Avec moi. Ouais. Ok, jusque-là, ça va bien. Ouais. Ok, qui doit embrocher qui d'après toi, le taureau ou le torero? Non, c'est... en principe, c'est le taureau. T'es sûr? Ouais. Ok, d'accord. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais savoir. On a bien fait de passer un bon quart d'heure là-dessus. Bon, alors, de toute manière, le quart d'heure, de toute manière, t'as du monde derrière. Au revoir. Hop. Tu peux lui dire au revoir à Pauline parce que j'aime pas les gens qui ont du monde derrière. Jamel Tagam. Oui, donc voilà, ben, moi, je dois dire que les corridas, pour ceux qui organisent, c'est un bon moyen de se faire. Non, mais les gars, excuse-moi, Jamal. Une chose que je veux préciser au standard, oui. Évitez de prendre des gens où il y a du monde derrière, parce que j'aime pas trop ça. Vraiment pas bon, elle peut avoir un peu d'ambiance. Non, mais j'aime pas. Lors des débats, je n'aime pas avoir des personnes au téléphone où il y a du monde derrière. Bah, Vicouille, en fait, il est étudiant, donc il a une chambre de bonne. Et il est... ouais, 26 ans, il est étudiant. Et alors, pourquoi pas lui, il est étudiant en médecine, je suis désolé. Bon, alors, il y en a 38 ans, ils sont au chômage, il y en a pourquoi pas 26 qui font étudiants. Non, mais maintenant, vous allez faire une chose, vous allez être gentil au standard. Moi aussi, je ne passe en tant que frieur, ça se passe très bien, alors t'énerve pas. Vous allez être gentil au standard, vous allez me prendre sur les 25 films, parce que là, Jamel Tagam. On dit au revoir à Henri quand même. Salut Henri. Salut Henri. Merci pour les bonbons. Hein. Caresse au chien. Salut Henri. C'est bon Gérard, je peux t'expliquer? Ouais, vas-y. Ok, c'est balance. Donc pour moi, pour les organisateurs, c'est un bon moyen de se faire du pognon. Pour les gens, ben, c'est un passe-temps. Et puis pour le taureau, ben, c'est quand même un peu attends, chiant. Attends, 5 minutes. Non mais Gérard. Le débat. Gérard, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah, de toute manière, je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais c'est pas de ma... c'est pas moi. C'est pas grave, Gérard. On sait que c'est pas toi, vas-y. Donc, moi, je vais vous demander une chose. Est-ce que vous avez déjà participé à des corridas ou est-ce que vous avez déjà regardé à la télé? Ouais. Moi, j'ai déjà participé. Parce que j'ai un père qui est espagnol. Ouais. Mais justement, il y a une question que je me pose. D'où vient le système de la corrida? C'est un truc espagnol ou pas? Oui, c'est espagnol, portugais. Ça dépend, c'est pas la même, la corrida portugaise et la corrida espagnole. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi qu'anime, c'est pareil, ils font des corridas, c'est des espagnols, je crois. C'est des immigrés. Ouais, tout simplement. Non mais pourquoi à Nîmes, parce que là il y a eu la corrida de Nîmes. Mm-hmm. Donc c'était fait pendant 2-3 jours ou 4 jours, je sais plus. Je peux t'expliquer, Gérard, si tu veux, pourquoi à Nîmes ils font des corridas aussi. Ouais, vas-y, Manu. Bah, c'est très simple, c'est qu'en fait au Moyen Âge, donc Nîmes c'était français et ça a été assiégé et gangbangé par des Espagnols. Et ils ont apporté la tradition, ils ont construit la reine. Justement, Manu. Ils ont gangbangé la reine. Non, attendez. Pourquoi qu'à Nîmes, maintenant, parce que c'est resté la tradition depuis le Moyen Âge. Ils font la reine pendant 4 jours. Bon, pour l'instant, Pilla, tu me cherches des auditeurs plus à ferme, c'est pas toi que je m'adresse. J'en ai jusqu'à pour la fin de l'année. T'éteins ton micro et c'est tout. J'ai réservé un mec pour le 7 juillet, là, c'est bon. Tu éteins ton micro et c'est tout. Ouais. Bon, GG, à la place de vite couille, on a petit matador, pardon, 30 ans. Bon, attends. Gérard, petit matador. Un conseil que je vous donne. Bonsoir Gérard. T'aimes pas? Tu vas me prendre des gens ici. Moi je t'ai dit, bonsoir. Non. Oh, tu mens là. Ils prennent des gens standards, c'est toi, tu vois rien là. Non, ils prennent pas des gens. Ils voient rien. Ils le prennent, putain. Non, ils prennent personne. Ils prennent personne. C'est toi qui es un menteur là. Ils prennent personne. Je suis désolé, je prends leur défense, mais là tu mens. Ah, tu prends leur défense. Bien sûr, parce que je regarde. Bien sûr, parce que c'est sa copine. Non, c'est elle. Alors, dans ce cas, c'est cool. Faites ce que vous voulez. Je regarde. Je n'en ai rien à foutre. Maintenant, c'est simple. Si les deux débattent pas, non, ça ne va pas. Je prends la responsabilité. D'accord. C'est toi le chef des débats. Maintenant, vous allez me faire autre chose. Ouais. Non. Elle est bosse. Faut pas me prendre pour un con. Chef humide. Allô. Pardon, merci Manu. Attends, il a oublié ça. Allô. Bon, alors, chef humide. Oui, je te disais que mon père est espagnol, que moi je suis pour la corrida. Mm-hmm. Et qu'en plus, j'ai déjà assisté à une corrida. Par contre, Nîmes, tu vois à peu près ce que c'est? Oui. Hein? La ville. Donc, pour toi, là-dedans, est-ce que... Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi que quand ils parlent de Nîmes ou d'Espagne, parce que c'est vrai que... Oui. Ils n'arrêtent pas de parler de ça. Ouais. Ouais, Anime, est-ce que vous avez toi t'habites à Gap? Ouais. Donc t'es loin de Nîmes ou pas? Ouais, très loin. Moi je suis à côté, GG. Qui? Moi c'est Petit Matador, j'habite à Arles, c'est en Camargue. Il y a des corridas là-bas. Je suis éleveur de taureaux, Camargue est meilleur, bien évidemment. Mais est-ce que t'as déjà vu une question de frontière, en fait. Tu faisais une référence à l'Espagne, et en fait c'est tout simplement une question de géographie. L'Espagne étant pas très loin, en fait c'est juste à côté, c'est près de la frontière. Donc c'est pour ça l'influence de la corrida, forcément. C'est comment ton nom, toi? C'est Petit Matador. Je suis le nouveau que Apolline t'a annoncé il y a 2 secondes. T'appelles d'où? J'appelle de Arles. Ta fréquence, s'il te plaît. J'ai 28 ans et j'écoute Fun sur 107.7. 107.7. Ouais. C'est ça, 107.7, hein. 107.7. Ok. Donc, il y a un truc sur le Minitel, c'est Max Lebel qui te dit qu'en fait, toi, t'as déjà participé à une corrida parce qu'on t'a coupé la queue et les deux oreilles. Non, mais là, les trucs sur Minitel, ça m'intéresse pas. Internet. Alors, par contre, j'ai une bonne question de Snooze sur l'IRC qui te demande pourquoi le taureau est attiré par le rouge et pas par le vert ou le bleu ou le jaune. Ah, alors voilà, très bonne question. C'est facile. Là, voilà. Pourquoi que le taureau est attiré par le rouge, donc en fin de compte, c'est sa couleur préférée. Le rouge, c'est sa couleur préférée. Non, c'est vrai. C'est faux. Non, c'est sa couleur préférée, je suis désolé. C'est expliqué, Gérard. Oui, c'est qui explique le taureau, il voit en noir et blanc. Et le taureau, il n'est pas attiré par le rouge, il est attiré par la cape qui bouge. C'est faux. Non. De toute manière, c'est le rouge qui l'intéresse. Ouais, il a été élevé au pinard et il a fait des conneries. Non, toi, tu t'en vas. Au revoir. Hop, terminé. Hop, je lui dis au revoir. Hop. Mais calme-toi, ils ont le droit de répondre autrement, putain. Hop, celui-là, tu lui dis au revoir par le pinard, désolé. Au revoir. Au revoir. Allez, Gérard, calme-toi, ils ont le droit de répondre, j'écoute, là, putain. Non, mais il répond. Pauline, au standard, s'il te plaît, merci. Non, mais c'est bon, je suis au standard, je peux gérer tout seul, elle m'a demandé un renseignement. Alors. Mais Gérard. Alors. Vicieuse, alors pour toi, que savez-vous sur les corridas en général? Eh bien, je sais que pour la corrida espagnole, on tue le taureau à la fin. Mmh. Moi, je suis adepte de la corrida portugaise, donc on ne tue pas le taureau à la fin. Non, mais de toute manière, faut dire une chose, parce que il y a un truc qu'il faut se mettre dans la tête dans ça. Mmh. C'est que là, il y a eu les taureaux, tout ça, il y a eu les Pereira. Les quoi ? Il y a eu des soirées, même il y a eu quand même deux morts sur ça. Ah oui, mais bon, c'est bien fait pour eux, hein. Ah, attends, c'est bien fait pour eux ? Non, je suis pas d'accord. Non, c'est bien fait pour eux. Attends, le taureau, on lui a pas demandé son avis, il voulait se faire tuer, quoi, le mec. Non, attention, je te coupe, c'est vicieuse. Bien vicieuse, ouais. Ouais, je vais dire une chose, que c'est pas le taureau qui est mort. Oui, je sais, c'est un mec qui est trop oui, mais oui, mais oui. Le mec, c'est les risques de son métier, il connaît les risques, hein. Il sait très bien que s'il rentre dans l'arène, il peut... Ah ouais, mais dans ces cas-là... La question que je pose, c'est êtes-vous pour ou contre que les hommes soient que les hommes la question c'est êtes-vous pour ou contre que les hommes, c'est pourtant clair, répondez. Êtes-vous pour ou contre que les hommes fassent la corrida? Moi je suis pour. Alors, tu peux m'expliquer ? Je suis pour parce que le taureau meurt. Et je suis pour aussi parce que, en fait, la corrida, c'est l'affrontement de force entre celle du taureau et celle de l'homme. Il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours le taureau qui meurt. Mais tu sais que le taureau, si tu l'hommes, il sait abattre après. Donc, de toute façon, dès qu'il rentre dans l'arène, il est condamné pour le taureau, quoi. Ouais, mais il faut se dire une chose, c'est qu'en fin de compte, là-dedans, de toute manière, on peut rien faire. Ah non, on peut rien faire, hein. C'est comme ça, hein. Pourquoi Gérard, on peut rien faire? On peut rien faire parce qu'il n'y a pas de solution, en fait. Il y a une solution, c'est eux qui choisissent ce métier-là de torero. En fin de compte, eux, ce qu'ils font, ils vont avec les trucs pointus, ils les pointent sur les taureaux. T'es d'accord? Ouais, mais par exemple, la solution pour pas tuer le taureau, ce serait peut-être, je sais pas, faire des trucs en plastique au lieu des trucs qui coupent et qui font mal. Ouais, mais en plastique, c'est pas évident parce que, regarde, t'as quand même eu deux morts. Bah oui, justement, ça aurait dû être en plastique, les taureaux seraient pas morts. Non, mais il y a eu deux morts, c'est pas les taureaux qui sont morts. Mmh. Justement, c'est... Ah, mais ils sont pas morts avec le taureau, ils sont morts avec... ils se sont fait piétiner. Non, mais ils se sont fait piétiner, Par un cheval. Non, justement par le taureau. Parce que le taureau, il est venu sur le cheval, et le mec... Le mec, il est mort dedans. Il est mort en dedans, le taureau. Donc, il a été mort par, par l'appui du cheval. Bah, il est cheval, hein. Gérard, il y a Yankee sur RC, il demande, une fois que le taureau est mort, on en fait quoi? Une fois que le taureau est mort, ben, ils remettent un autre taureau. Mais ils en font quoi du taureau qui est mort? Le taureau qui est mort, ils sentent... Mais j'ai pas la poubelle. Non, mais... Non, oui. Mon père, il est taureau, et donc quand tu tues un taureau, il coupe la tête et il l'accroche dans le salon. C'est qui? C'est Satumide. Ouais, ça m'étonne rien. Hein. Qui? Viens chez moi, si tu veux. Non, c'est moi, c'est Manu. Tu veux pas faire un petit sondage, peut-être, qui se rapporte à cette question? Regarde un peu ce qu'il y a. Alors, sur le sondage, avez-vous déjà été voir une corrida? Bah voilà, parfait, c'est celui-là. Moi, il y a 56% des gens qui n'aiment pas qu'on fasse du mal aux bêtes tressées. Ça, je vais dire une chose là-dessus. Faudrait peut-être arrêter de me sortir des sondages comme ça. D'accord? Ok. 30% préfèrent l'amour en mer. Ça, c'est des chansons, donc on n'en a rien à foutre. 17% demandent si c'est juste une question de tempo. Faudrait que... C'est moi qui ne sais plus avec Rigo. C'est toi qui... Allez, tu dois Rigo avec Rigo. Ah ouais, sur un site de sondage. Ouais, mais il y a quand même des trucs... C'est pas grave, ça se trouve, à la suite, c'est bon. 9% ne mange plus de poulet à cause de l'épidémie. Alors là, à cause de l'épidémie de vache folle. Ouais, non mais justement, là justement, faudrait qu'on arrête, tu vois. Parce que là, on parle de la corrida, on parle pas d'histoire des taureaux. Ouais, mais ça vient des vaches, mal. Ça vient des vaches. Non, mais il y a un truc qu'il faut bien se dire dans sa tête, hein, c'est qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, on a des problèmes avec l'histoire des œufs, des poulets, du lait, de l'eau, ouais, pour savoir exactement d'où vient. Alors, apparemment, il paraît que ça vient de Belgique. Mais ça, c'est pas un débat. Il n'y a pas de corrida en Belgique. Non, mais justement, c'est pas un débat que je vais faire sur l'histoire des trucs comme la vache folle et tout ça. Ça, j'en ai rien à foutre. Maintenant, c'est au gouvernement de faire ce qu'il veut. Donc, point final à la ligne. Donc, deuxième question. Gérard, juste avant que tu la poses, il y a deux petits trucs sur le Minitel. Il y a Anti-Gérard qui demande si toi, tu rentres dans l'arène ou dans l'arène. Je réponds bien à des questions en bidon. Et sinon, il y a un superbe message de Domi sur Minitel qui pense que Manu fera un meilleur chef de débat que toi, et c'est cool. Bah, dans ces cas-là, tu prends les débats à ma place et puis c'est tout. Ouais, à la place de, je sais plus qui t'a viré, on a Vamos Muchachos, 31 ans de Montpellier. Alors, attention, je vais te dire une chose, Apolline. Oui, Gérard. Ne me prends pas pour un con. Non. Ne me prends pas pour un con ce soir. Parce que tu n'as pas t'amuser à prendre des gens que tu vires. Et que tu vas reprendre... Écoute-le, c'est un autre, écoute-le. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à toi. Bonsoir, Gérard, j'appelle de Montpellier, 133.3, bonsoir. 133. Bonsoir. 133.3. Bonsoir. Bonsoir. 103.3. Tout à fait, 103.3. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Ça m'étonnerait que Montpellier, ça soit 103.3. Si, tout à fait, Moi, je te dis une chose, ça m'étonnerait. C'est pas grave, la question, c'est pas grave. La question, c'est combien de personnes peuvent-ils... Combien de personnes peuvent-ils participer à la corrida? Donc, ton nom, j'ai pas... Vamos Muchachos. Vamos Muchachos. Moi, V-A-M-O-S. Non, vous me prenez une liste. Muchachos. Bon, donc, pourquoi? Écoute, ça dépend, c'est des corridas en triplette ou en doublon? Parce que si c'est des corridas en triplette, tu peux aller jusqu'à 50 personnes. Hein, non, en principe, c'est deux personnes. Hein. Et après, t'as les, comment ça s'appelle, tu sais, ceux qui sont là pour attirer le taureau. Ouais. Il y a aussi les picadors qui sont sur les chevaux. Attends. Mais de toute manière, il faut se dire une chose, déjà pour commencer, la corrida, c'est une personne avec le taureau. Ouais, mais regarde, quand tu parlais de l'Espagne, quand il lâche des taureaux dans la rue en Espagne, tu sais, ils font ça, ils lâchent des taureaux dans la ville. Ouais. T'as déjà vu ça? Bah, il y a une corrida, il y a quoi? Non, mais attends, les gens qui s'amusent à balancer des trucs dans la rue, comme tu me dis. Ah, mais c'est les autorités qui font ça, hein, c'est le maire. C'est une fête, c'est comme un feu d'artifice, tu vois, il lâche des taureaux dans la rue. Je veux dire, on s'amuse comme on veut dans tous les pays du monde, hein. Je crois qu'il t'écoute pas, là. Il regarde, il a l'air d'un air méchant, mais il t'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe, DG? Vas-y, comment? Non, mais je t'écoute. De toute manière, j'ai très bien compris ce que tu m'as dit. Ouais, et donc? Donc, je vais te dire une chose, que c'est pas au maire de décider. C'est le préfet? Oui, déjà, pour commencer, ça pour avoir l'ordre du préfet. Pour faire exploser les paillotes. Alors, dans ces cas-là, au revoir, hop, au revoir, au revoir. Là, pour bien dire une chose, que ce soir, je veux pas... le problème des paillotes. Non, mais je veux pas... Tu peux pas virer les joueurs toutes les deux minutes, Gérard. Non, mais là, je veux pas jouer comme ça. Le mec, il vient de Montpellier, il parle des paillotes. Et alors, moi je viens de Paris, je peux parler des paillotes aussi. Oui, mais tu sais ce que c'est? Ça vient de la Corse. Et alors? Alors, il y a ce problème à l'heure actuelle. Alors, donc, tu lui dis au revoir, terminé. Ça n'a aucun rapport avec... Au revoir. Non. Au revoir pour lui. Non. J'appelle Tagam. Tagam, tu arriveras pas. J'appelle Tagam. Gérard, je peux poser une toute petite question avant? C'est qui? C'est Jamal Takam. Avant de répondre, je peux te poser une toute petite question. Vas-y. Jusqu'à maintenant, t'as parlé que des hommes. Allez. Qui sont torero, qu'est-ce que t'en penses, toi? De quoi? Les femmes qui sont torero, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais justement, on va en parler, parce que justement, il y en a une qui a arrêté. C'est Nathalie Simon, à l'interview? Ouais. Non. Arrête d'avoir le con. Ça fait déjà un bout de temps. Mais Gérard. Non, il y en a une qui a arrêté. C'est ça, Marie-Sara Lecomte. Ouais, c'est Marie-Sara Lecomte. Bonne dernière. Voilà. Pas la ligne 6, les enfants. C'est ça. Non, c'est bon. J'abatte la cam. Ouais, bah donc pour moi, dans la règle, il y a beaucoup de monde. En général, il peut y avoir, je sais pas, 300 ou 1000 personnes. Mm-hmm. Et puis devant le taureau, il y en a qu'un, quoi. C'est celui qui s'amuse avec sa petite épée, quoi. Ah, et voilà. Donc, t'es d'accord avec moi? Donc, ouais, c'est... Moi, ça dépend sur quoi, quand même. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi... Moi, il y a une question qui me chagrine. C'est pourquoi... Ça te chagrine, bah, faut pas, hein. Il y a une question que je me pose. C'est pourquoi que on s'en prend aux bêtes comme ça, par exemple sur les taureaux en plein. Ouais, on pourrait mettre des chèvres à la place. Ouais, mais justement, mais pourquoi qu'on s'en prend sur les taureaux pour ça? Parce que le taureau c'est méchant, c'est noir et ça représente la force et c'est moche. Il n'y a pas des escargots ou des... Non mais pourquoi s'en prendre tout de suite à un taureau? Bah, ouais. Bonne question, Gérard. Gérard, je peux te poser une question. Qui veux-tu t'en prendre à enfoncer des épées, à courser ou à faire passer dans une cape? Mais même, de toute manière, pourquoi s'en prendre sur une bête? Les bêtes, elles sont comme nous, on est des êtres humains. Ça, c'est clair. Les bêtes, elles ont besoin de manger. Donc pourquoi qu'on va s'en prendre sur eux? Pour les tuer. Ils vont qu'à mettre des condamnés à perpète. Bah ouais, mais pourquoi s'en prendre sur une bête comme ça? Donc ce qu'il faudrait, c'est arrêter les corridas. Bah ouais. Bah de toute manière, personne... Tu vas mettre des milliers de gens au chômage, toi, Gérard. Tu vas mettre des milliers de gens au chômage si t'arrêtes les corridas. Bah ouais, mais dans ces cas, tu veux... Ils vont tous appeler dans des cabines téléphoniques pour passer à la radio, ce sera pas cool. Toi, pour l'instant, tu vas te calmer. Bon, c'est ça va, y a pas de paillotes, y a rien. Ouais, toi tu vas te calmer, parce que sinon tu vas retourner au standard. Bon, GG, on a un nouvel auditeur, Don Diego de la Vega, 40 ans, de Mantes-la-Jolie. Pour l'instant, c'est pas demandé de m'annoncer la personne. Ouais, mais c'est pour t'aider, c'est pour ton débat. Si tu veux qu'il y ait personne qui réponde, tu fais tout ça, le débat aussi. Hein. Donc, on va demander à... Tu peux l'accueillir, il est là, il t'attend. Hein. Oui, bonsoir à toi. Oui, bonsoir, Gérard. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. C'est Don Diego de la Vega, on peut m'appeler Zorro si vous voulez, mais c'est Don Diego de la Vega. Ouais. Donc on va t'appeler Zorro. Oui. Comme ça, ça ira plus vite pour moi. Zorro, t'appelles d'où? J'appelle Damien. Damien ou Damien? Damien. Ah. Ta fréquence? Ma fréquence, c'est le 101.6. Ok. La question c'est combien de personnes peuvent-ils participer à la corrida? Donc pour toi, parce que comme tu étais au standard et apparemment au standard, personne t'a demandé, t'as répété les questions? Ah, on ne m'a rien dit, rien du tout. Ouais, ben ça, au standard, c'est leur problème. Voilà. Bon, alors, allez, hop. On répond, alors vas-y. Combien de personnes, tu veux dire dans les gradins ou... Non, combien de personnes peuvent-ils participer à la corrida? C'est-à-dire, dans l'arène? Oui. Tu vois, t'as une personne sur un cheval avec le taureau. Donc, combien de personnes peuvent y participer? Ça dépend si c'est une corrida en double ou en simple, hein, comme à Roland-Garros, et tu vas en parler tout à l'heure. Non, mais ça c'est... Ça, on parle pas du tennis. Hop. D'accord, non, mais c'est comme... Attends, Zorro. Hey, Zorro. On parle de la corrida, on parle pas du tennis. Alors, d'accord. Oui, tout à fait, Gérard. Non, mais je vais respecter le décorum. Alors, je te dis un ou deux, ça dépend si c'est en simple ou en double, hein, puisqu'en corrida, on peut faire des corridas. Bon, alors, dans ces cas-là, tu veux parler du tennis? Zorro. S'il vous plaît, derrière. Zorro, oui. On va garder ton numéro, tu vas participer au deuxième débat sur le tennis. Gérard, ce sera avec grand plaisir, mais ne sois pas Bernardo, on peut être à un ou à deux d'une corrida, c'est tout. Non, mais pour l'instant, tu vas... Parce qu'il y a des corridas où ils sont sur des chevaux, il y a des corridas où ils sont à terre, avec une cape. Un ou deux, ouais. Il y en a un qui peut être avec une cape et l'autre avec le cheval pour attirer le taureau. Ouais, d'où ma réponse, corrida, quoi. D'où ma réponse. Attends, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu une corrida dans ta vie ou pas? Oui. À la télé ou autre? Oui. Et alors? Moi, ça me plaît pas parce que... Non, mais est-ce que tu as vu? On tue des bêtes. Alors, ça suffit. C'est pas ma question. C'est pas ta question. Est-ce qu'ils étaient sur des chevaux ou est-ce qu'ils étaient à terre? Ils étaient sur les chevaux, ils tuaient les taureaux. Donc, c'est ma réponse. Ils étaient à terre, ils étaient à terre aussi. C'est humide. Ouais, donc, en fait, moi, je veux dire que comme mon père, il est espagnol et torero. Je répète un petit peu. C'est que ça dépend des pays. Parce qu'il y a certaines coutumes qui sont mises en place. Parce qu'en fait, selon les pays, il y a des arènes qui sont plus ou moins grandes. Donc on lâche plus ou moins de taureaux dedans. Et donc il y a plus ou moins de personnes dedans. Ouais, mais. Oh là là là là. Excuse-moi. Je réponds à ta question, je pense que... Je t'ai donné une affirmation. Oui, mais je pense que tu as dû voir ce qui s'était passé à Nîmes. À Nîmes? Oui. Là où le mec, il était mort avec le poids de d'ailleurs, son... D'ailleurs, c'était un ami de mon père. C'est pas qu'on fasse une minute de silence non plus. Non, non, mais... Déjà qu'on entend la chatte humide, c'est déjà fait en train. Chatte humide? Oui. Non, mais écoute-moi bien. Oui, mon petit Gérard, je t'écoute bien. Je suis pas ton petit Gérard, d'accord? Donc tu vas m'écouter parce que sinon ça va mal se terminer. Oui. Donc moi j'y peux rien, si c'était un ami de ton père, de toute manière je n'en sais rien qui c'était la personne. Mais moi je vais te dire une chose, que déjà... Le taureau a été trop loin. Et il n'y a eu personne pour l'arrêter au moment où ça s'est produit. Mais c'est normal, oh là là. Qu'est-ce que t'aurais dit au taureau, toi? Pour l'arrêter. Comment? Qu'est-ce que t'aurais dit au taureau pour qu'il aille pas trop loin? Non, attends, c'est pas toi, c'est pas là. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je dis que j'aimerais pas que mon père meure. Mais dans ces cas-là, pourquoi que... Pourquoi il a plombier ton père? Attends. Ouais, il a arrêté ses études de plomberie, mais... Alors, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'aime pas quand... Hop. T'as même pas de raison pour la durée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Attends, mon père, elle pose la question à l'autre. Non, je suis obligé d'arrêter parce que là je crois que t'es pas capable, t'es trop bu, je sais pas, je suis désolé, mais là tu t'es pas capable, ça fait 10 personnes que tu jettes et j'écoute depuis le début du débat et là je crois que là t'as tort complètement là. Cette personne-là elle parlait à une autre personne. Non, elle parlait à lui. Tout le monde est contre toi, Gérard. Mais attends, dans ce cas-là, soutiens-les, soutiens ton équipe. D'accord, t'as tort, t'as tort. Eh ben, dans ce cas, soutiens ton équipe, quoi. Si tu te caches, je te rappelle ce que t'es arrivé. Je te le rappelle, je te le dis, je te le rappelle. T'avais qu'à pas boire, mon pote. T'avais qu'à pas boire. Et c'est bon, les débats. Il écrit bien, hein, il écrit bien, tant mieux. C'est bizarre. Fais voir ta feuille. Monte ta feuille, Gérard. Fais voir ta feuille. Monte un peu. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas montrer que les débats ça a été écrit par Sandy, que celle qui les a fait à ta place, comme la corrida par exemple, alors que tu m'as dit que c'est toi qui les avais fait? C'est toi qui as fait les débats à ta place. Non, je lui dis, regarde, t'as 24 Simpsons, t'as personne. Et toi? Merde. Il y a des gens et toi t'es merde, un menteur. Merde. Non, arrête, t'as bu, regarde-moi, c'est lamentable comment tu réagis, regarde ça. Et c'est même pas toi qui a préparé les débats. C'est Sandy qui les a fait à ta place une fois de plus. Vous êtes bon, regarde. Toi aussi t'es un bon à rien, Gérard. Patin. Ça va? On va regarder ça tout de suite. Ouais. Non, tu me laisses faire, attends, s'il te plaît, je suis pas n'importe où. Oh bah oui, c'est une belle idée. Oui. C'est qui ça? Et ça c'est qui ça? Ça c'est elle. C'est elle, manière, je l'emmerde. Et je vous chie dessus. Ah oui. C'est bien, tu me chies dessus. Très bien. Très bien. Hein? Tu me chies dessus. Regarde, vous êtes des bandes de connards en standard. Mais toi aussi t'es un connard, Gérard. Toi aussi t'es un... Pas capable. Si, ils sont capables. Vous êtes des incapables. Si, ils sont capables. Regarde. Non, assis-toi, Gérard. Non, rigole, s'il te plaît. Merci. Tiens, rappelle déjà ces gens-là. Non. Eh. Ça va. Regardez l'écriture à Sandy, regardez, c'est Gérard qui a préparé le débat de la corrida, regardez. Regarde-le. Avec ta caméra. Cassez-le avec ton mangué. Gérard. C'est l'écriture de qui, ça? Regarde, film, c'est l'écriture de Sandy, c'est elle qui a bossé pour Gérard. L'écriture de Sandy? Elle a bossé pour Sandy. C'est bizarre. Hein? Et voilà, il y a un auditeur qui se plaint. C'est la place de Gérard. Non, on n'arrête pas du tout, on va faire les débats à ta place, ouais, à la place de Sandy. Sinon, tu m'appelles Sandy, elle va les faire, je suis celle qui les prépare les débats. C'est l'écriture à qui, ça? Tu dégages avec ça! Tu me fais chier! Oh, regarde ça, mais tu t'énerves toujours dès que t'es pas à l'aise. Ouais. Dès que t'es mal à l'aise, dès que tu fais des conneries, regarde-moi ça, quelle honte. De toute façon, dès que t'es pas bien, tu gueules. C'est même pas toi qui as préparé les débats, c'est elle à la place, putain. C'est une preuve, ça, c'est ton écriture, Gérard, sincèrement? Sans gueuler? Ça, c'est moi, celle-là! C'est la signe, et alors? Parce que j'en ai un fou! Tu m'as dit que c'était toi qui avais préparé les débats, c'est même pas toi qui les prépare. Allez, évidemment, ça c'est la bonne excuse. Allez, dégage. Quoi, dégage? C'est pas toi qui as préparé ces putains de débats, tu fous plus rien, tu te lèves à 16h, tu dis que ça va très bien, tu te lèves à 16. Alors vas-y, va, putain! Fais chier! Dégage, Jackson, ça va être. Oh, ça va, il fait rien, c'est bon, oh! Tu dégages, d'accord? Stop! Tu arrêtes! Tu arrêtes tout ça, on mine dans ta gueule! Arrête, c'est bon, allez, c'est fini. Tu arrêtes! Allez, c'est parti. Tu arrêtes!